et les gens ont les boules. Le manque de flouze et de temps les saoule. Maintenant coule quelques minutes sur ce style funky soul. Tranquille, je me balade dans la ville capitale. De Barbès aux Abbesses, des Champs-Élysées aux Halles. Y'a des clodos sur les trottoirs et des soulards dans les bistrots. Des surveillants dans le métro qui jouent les Rambo. J'ai toujours un mec dans mon dos car je fais gaffe aux femmes. Je fais surtout attention au cœur car ils font mal leur temps. Y'en a qui méritent des barres, tout comme mon estomac mérite. À chaque fois qu'ils s'excitent, vite ta mère qu'est-ce que par y'a le blues. Midnight hour, holding you this time your body's next to mine. Something deep inside of me wants to love you endlessly. When you touch, girl, you don't know how it makes me feel. Oh, my God. Stop the action. Hey. Yeah. girl, I'm just in love, girl, and this was ringing my ears to stimulate my senses, girl, when you are near. And with your positive emotion, love making and joy, that's no need to bust. It's like a girl and a boy. These feelings I keep, I often wonder why. So I thought I might discuss this, girl, just you and I. Now what you wear, I don't care how you cross it before. The reason that I like the girl is from what you are. If I said it, think about it, you rule my world. So try to understand. Yes, you know it's true. One, two. I've been thinking about what. One, two. One, two. One, two. One, two. I've been thinking about what you have done to me. One, two.